Bon mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de l'aérospatiale ici sur CKRL 89.1. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui en remplacement de Julie Gagné, qui sera toutefois présente avec nous moralement, si l'on peut dire, puisqu'elle s'est chargée de la recherche de cette émission. Une émission d'ailleurs bien remplie qui sera, comme à l'habitude, mise en onde par Jacques Gignac. Alors, on aura l'occasion notamment de porter un regard sur l'exposition Les plasticiens et les années 50-60 présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. On en parle avec le co-commissaire de l'exposition, Michel Martin. Également de passage, Annie Baillargeon, autour de son exposition Territoire perdu, qui est présentée présentement à Regard. Côté chronique, il y aura notamment Catherine Boivin qui sera de passage pour nous parler de l'exposition de Marie-André Côté, donc Ma terre comme murmure, qui est présentée à Materia. Et évidemment, on débute tout ça avec la suggestion audio de Simon Roy. Bonjour Simon. Bonjour Raymond. Ça va bien? Ben oui, très bien. Et Simon, en fait, cette semaine, tu nous amènes vers un album au titre de chansons et au titre quand même assez cocasse, si on peut dire. Oui, ben c'est un duo d'hurluberlus qui viennent de la ville de Sydney en Australie. C'est de Spasmodix. L'album s'intitule Vermin Perm. Je sais pas comment décrire ça, Raymond. On pourrait peut-être comparer ça à un band de jazz qui déboule les escaliers. C'est vraiment, ça part dans tous les sens. Moi, je vois ça un peu comme un détournement de musique pop. C'est toutes sortes de collages audio de toutes sortes de sources, vraiment les plus loufoques les unes que les autres. Je pense que je vais laisser les auditeurs décider par eux-mêmes. En tout cas, ça m'a accroché un gigantesque sourire dans la face quand j'ai entendu ça. Mais ça va n'importe où, ça tire un peu partout, mais ça le fait de manière ludique, sympathique, surprenante, donc. Oui, c'est ça. Chaque seconde, on part dans des directions différentes. Ça m'a fait aussi de découvrir, c'est publié sur l'étiquette Dual Plover. Il y a également énormément d'albums un peu dans ce style-là aussi. Donc, je pense que c'est une belle découverte pour les auditeurs curieux qui peuvent d'ailleurs télécharger l'album en se rendant sur donc le blog de l'aérospatiale. Et Simon, en terminant, quelques petits indices justement sur les sonorités qu'on va avoir le plaisir d'entendre ce soir au fil des quatre extraits qu'on va proposer? Oh mon Dieu! J'ose même pas m'aventurer. ça va dans tous les sens. Alors, en fait, faut l'entendre pour le voir. Et en plus, comme à l'habitude, comme tu le dis, c'est disponible en téléchargement gratuit. Alors, on pourra explorer plus avant tout ça. Et Simon Roy, nous, on t'entend également, comme à l'habitude, à Web Musique les dimanches soirs à 21h. Exactement, fidèle au poste. Excellent, alors à dimanche et à mardi prochain. Parfait, au revoir. Et nous, on écoute un premier extrait de la formation de Spasmodix, donc proposition de Simon Roy, la pièce Mud Under Turtle. Et voilà donc premier extrait de cet album Vermin Perm. Et d'ailleurs, en fait, on le dit tout à l'heure et on le répète, vous pouvez trouver ça sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Et d'ailleurs, toutes les émissions y sont disponibles également pour téléchargement et écoute. Et ben, on passe maintenant à notre revue de presse hebdomadaire, quelques articles qui ont retenu notre attention. Alors notamment, en fait, on parle d'Artex qui a décidé de lancer un entrepôt numérique sur l'art contemporain. Donc, vous connaissez peut-être cet organisme-là, en fait. Il a vu le jour au début des années 1980. C'est un organisme qui était chargé, qui l'est toujours, de rassembler pour mieux partager toute la documentation sur l'univers de l'art contemporain au Québec et au Canada. Et jusqu'à récemment, ben tout ça reposait sur un vaste réseau de correspondances postales. Donc musées, galeries d'art, centres d'artistes, universités, éditeurs et auteurs transmettaient leurs publications ultra spécialisées par la poste, et ça donnait corps depuis toutes ces années a quand même une vaste collection documentaire, là, plus de 22 000 titres. Et ben donc, ce qui se passe, c'est que 30 ans après le lancement de cet organisme-là, et ben Artesque reste toujours le même, mais évidemment, le réseau a vécu des mutations profondes. Alors voilà, ils ont décidé maintenant que tout ça allait se passer numériquement, donc ils se mettent à l'heure du 21e siècle. Alors c'est intéressant, évidemment, puisque aussi, on peut avoir l'impression que c'est le genre d'initiative qui ouvrira aussi la diffusion de ces textes de manière plus large à un public de plus en plus vaste. Du moins, c'est ce qu'on peut espérer à la lecture de cette nouvelle. Sinon, fait cocasse, tiens, toujours des débats sur des tableaux marquants de l'histoire de l'art, et notamment ben, l'origine du monde de Courbet, présentement fait l'objet d'un débat. Il y a un collectionneur, un expert sur Courbet, Jean-Jacques Fernier, qui dit avoir trouvé une autre toile, ce qui viendrait démontrer qu'en fait, l'origine du monde est, représente les parties génitales d'un portrait beaucoup plus vaste, qui aurait notamment inclus aussi une figure d'une dame atteignant un presque orgasme. Alors, Monsieur Fernier a trouvé cette toile achetée pour à peu près, quoi, 1 400 € et essaie maintenant de démontrer que cette toile qu'il a achetée à très bas prix est en fait une toile de Gustave Courbet qui serait inclus donc dans cet ensemble de l'origine du monde. Donc ça porte à débat, évidemment, puisque la personne qui demande cette reconnaissance est un spécialiste, ben on s'y intéresse. Cela dit, d'autres spécialistes, notamment les gens du musée d'Orsay où se trouve l'origine du monde, qualifient cette hypothèse-là de fantaisiste. On parle également désacralisation de certaines toiles, de vandalisme d'art, en fait la liberté guidant le peuple de Delacroix qui récemment donc a été vandalisée. Donc, au Louvre Lens, l'antenne à Lens, donc, du Louvre. C'est une jeune dame de 28 ans qui a écrit AE911 au feutre indélébile noir sur 30 cm de long et 6 cm de haut. La dame a été appréhendée. Les autorités ont indiqué d'ailleurs qu'ils ont été aussi en mesure d'enlever l'ensemble de cette typographie non souhaitée. Et pourquoi AE911? Eh bien, ça renverrait probablement à une pétition sur Internet dans laquelle des architectes et des ingénieurs et citoyens exigent du Congrès américain une enquête indépendante sur les attentats du 11 septembre. Alors, pourquoi va-t-on l'écrire sur une œuvre d'art? Ben, on peut toujours se poser la question, et d'ailleurs, on remarque quand on creuse un peu qu'il y a eu beaucoup, justement, d'actes de vandalisme dans les dernières années qui ont été recensés. Et d'ailleurs, sur le blog, il y aura un lien vers un article de Libération qui fait justement cet index-là qui revient sur différentes circonstances des dernières années où on s'est retrouvé pour des raisons parfois un peu, disons, surprenantes à vandaliser des œuvres. Alors, vous irez jeter un coup d'œil à cet hyperlien. Et en terminant, note également sur le décès de quelqu'un que l'on qualifie d'un des plus grands artistes du 20e siècle. Il est mort le 9 février, 6 jours après la fin de sa seconde exposition rétrospective au Whitney Museum of American Art. Il s'agit de l'Américain, donc, Richard Hatch Swagger, né en 1923 à Washington, qui a pratiqué au fil des années peinture, sculpture, dessin, design, et donc il a marqué évidemment l'histoire de l'art américain. Notamment, on parle de multiples influences pop, minimaliste, conceptualiste, et également fait l'une de ses fameuses sculptures qui est dans l'imaginaire collectif, Table with Pink Tablecloth, en 1964. Alors voilà, plus d'informations également concernant la biographie de cet artiste sur le blog. Alors je vous rappelle l'adresse, l'aérospatiale.wordpress.com. Et nous, on repart avec une deuxième suggestion audio de Simon Watt, toujours de l'album Vermin Perm. On écoute An Unnatural Act. Let's go. Et voilà donc autre extrait audio de Spasmodics. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous en remplacement de Julie Gagné cette semaine. Et on va aller faire un tour maintenant du côté de la galerie Regard à Lévis. Jusqu'au 24 février, on y présente Territoire perdu, une exposition d'œuvres d'Annie Baillargeon qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut dire que vous êtes active, en fait, deux expositions en presque moins d'un an, là. Oui, oui, mais en fait, ils n'ont pas été faites dans la même année, mais ils ont été présentés, oui, dans la même année. Et dans l'exposition Territoire perdu, en fait, le titre le dit, la notion de territoire est importante pour vous. Pourquoi? Le titre m'est venu après avoir fait les œuvres. Les œuvres que j'ai faites, c'est un peu des territoires un peu abstraits, mm-hmm. avec le dessin, et puis je trouvais que ça ressemblait un peu à des territoires vus de haut, comme sur une carte géographique. Et puis dans le geste qui est véhiculé dans les images, c'est comme une prise de possession, une empreinte qui est faite, en fait, prendre le territoire de l'espace photographique. Oui, en fait, voilà la notion de territoire qui est exploitée dans les œuvres. Oui, parce que dans tes œuvres antérieures, en fait, on pouvait percevoir des espaces évocateurs, mais parfois non définis, à mi-chemin, oui. entre réel et rêve. Et ici, en fait, ça me semblait peut-être un peu plus concret, dans le fond, que tu parles d'une prise de possession, justement, du territoire. Oui, hein. Oui, c'est ça, vraiment, c'est comme des horizons, marquer directement l'espace photographique, mettons, du fond de scène, de photo. Fait que c'est vraiment, il y a une matérialité puis un espace qui est comme plus présent dans les photos. Oui, on laisse des traces. En fait, c'est des gestes qui laissent des traces, qui laissent un chemin, un parcours ou quelque chose. Un espace, c'est ça. Un espace qui est plus près du réel, en fait, là. Et tout ça, en fait, il y a un côté très performatif aussi qui en ressort. Oui. Ben, en fait, c'est comme des mini-performances que je fais en studio. Puis, c'est ça, le geste est pris en séquence. Et après ça, je le remodèle avec Photoshop là, les images pour créer une composition. Et est-ce que c'est déjà chorégraphié, en fait, les déplacements? Est-ce qu'on se dit ça va être ça, ou au contraire, on se laisse aller à l'instinct pour justement explorer, interagir avec la matière qu'on a placée au sol? Ben, c'est les deux, en fait. J'ai comme une idée de base que j'imagine un peu que ça va donner comme résultat, mais en fait, je me laisse quand même une marge de manœuvre là, pour exploiter le médium, puis faire des découvertes, avoir des surprises en cours de route. et se placer aussi dans des environnements qui, même si s'ils demeurent abstraits, restent quand même marqués par une couleur, par une texture, le rose, le noir, le blanc. Oui, mais là, je voulais comme être assez basique dans mes couleurs. Là, ça s'est adonné de même. J'avais comme un goût de noir et blanc, puis un qui est beaucoup plus coloré. En fait, voilà. Et donc, c'est des choix un peu encore là, un peu au hasard, pour le plaisir d'exploiter ces couleurs-là, de voir les jeux de contraste, dans le fond, qu'on peut y faire? Ben, c'était pas vraiment, pas tant un hasard. En fait, c'est par rapport à la thématique, qui était plus de vie et de mort. Donc, le blanc et le noir, ils m'ont venu comme intuitivement. Puis, c'est ça. Puis, il y avait le côté un peu de sanguinaire, mais ça donnait rose. Mais je l'ai exploité, ce côté-là. Et c'est un travail, en fait, ce qu'on pourrait dire qui est lié à la notion de féminité aussi? Oui, mais pas directement, en fait. Vu que je suis une fille, ça parle quand même de féminité, mais c'est pas ça le sujet qui est en premier lieu. Mais oui, il y a quand même un aspect très féminin qui en ressort. Là. Oui, parce que je me rappelle, en fait, je pense que c'est une entrevue que tu as réalisée avec Ma TV, où tu disais être enceinte au moment de la réalisation du projet, que ça t'aurait influencé un peu. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est ça, je suis enceinte sur les photos, fait que, vu de pas, j'ai été habitée par cet état-là, donc ça ressurgit dans les photos, puis on voit aussi là, que je suis enceinte, donc c'est sûr que ça cache pas cet aspect-là. Et est-ce que tu as l'impression, justement, que la maternité, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pourrait être venue changer aussi la manière de te percevoir ou la manière que tu as de travailler? Oui, sûrement. Oui, je pense que oui. Faites moins à l'avant-plan, parce que j'ai des séries que j'ai faites, j'étais vraiment à l'avant-plan, puis j'étais vraiment comme un personnage, puis j'affrontais comme le spectateur. Là, je suis comme plus discrète, puis intérieure. C'est plus introverti comme rapport à soi. Fait que je pense que ça a joué là-dessus un peu. Là. Oui, parce qu'il y a une volonté aussi, on le voit dans les postures, dans chacune des images. En fait, le visage est toujours caché par tes cheveux, par ton geste. Ouais, non, c'est ça. Je veux pas me montrer mon identité, vraiment pas. C'est plus le corps pour ce qu'il est comme forme puis comme geste qui est important. Il n'y a pas vraiment de notion de personne, de personnage là-dedans. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait aussi qu'on voit pas ton visage, justement, que tu n'affrontes pas, entre guillemets, visuellement l'observateur, que ça te rend peut-être même un peu plus vulnérable dans ces images-là. Oui, il y a une fragilité de l'être qui en transgresse, là, je pense. Un peu comme, il est comme un peu perdu dans tout cet univers, dans tout ces gestes-là. Il y a comme une espèce d'obsession qui vient comme à la perte de l'individu. Oui, ben oui. Et dans ça, dans la réalisation de la performance, est-ce que ça devient presque une transe à un moment donné, dans le geste, dans l'intensité, parce qu'on sent une grande intensité aussi dans les actions que tu poses? Oui. Ben oui, parce que c'est assez à grand déploiement. Quand je l'ai fait, ça a pris peut-être une heure en faisant, fait que ça vient comme, c'est assez répétitif, donc il y a quelque chose qui est comme puis de fatigue aussi. Puis vu que j'étais enceinte, c'était plus difficile, fait qu'il y a comme tout ça qui en ressort, là. Oui, puis avec un rapport quand même très proche aussi, une grande proximité entre le corps et entre la matière, en fait, c'est faites un là-dedans. Là. C'est ça pour créer vraiment un dessin, mais quand on se rapproche de loin, quand on regarde l'œuvre de loin, il y a quelque chose d'une abstraction qui est là, puis c'est ce que je trouve intéressant aussi, comme un camouflage là, complet là, du corps avec la matière. Et avec le montage qu'on en fait via Photoshop, est-ce que l'idée, c'est de reproduire un peu l'esprit de ce qu'on a fait côté performance ou au contraire de retirer une autre œuvre, une autre dynamique de la performance qu'on a créée, qu'on a fait sous l'appareil photo? Oui, ça y recrée complètement une autre dynamique parce que je pense que si je ferais une performance comme pour ça, ça serait pas vraiment une performance intéressante. C'est vraiment là, le geste que je conçois est vraiment pensé pour le résultat final là, de la photographie. Et donc avec la notion d'exploration, etc. Ouais. Donc on le pense en fonction d'une composante visuelle, dans le fond. Oui, vraiment, là, c'est vraiment ça, parce que j'en fais de la performance dans d'autres types d'interventions, avec les fermières obsédées d'ailleurs, puis c'est vraiment pas de cette manière-là que je travaille, puis ça a plus d'impact, là, je pense. Oui, dans le fond, ça permet à la limite même une transition un peu entre le travail solo et un travail performatif collectif aussi. Oui, c'est deux univers différents. Là. Puis ça vient faire un peu le pont. Oui. Et pour se faire à l'idée, justement, on parle, donc tu disais à peu près une heure pour faire la performance, ensuite, c'est qu'on, j'imagine un travail aussi de classement, sélection des photos, et choisir quand même beaucoup de photos aussi, puis un gros travail de montage, donc peux-tu nous détailler un peu le processus qui a amené à la création de ces œuvres-là? Au départ, c'est des dessins, carrément des esquisses, de la recherche de matériaux pour des costumes. Après ça, je travaille en studio. Ça c'est des journées de shooting de photos. Je me ramasse beaucoup de banques d'images par rapport à beaucoup de montage de photos. Puis ensuite de ça, pour créer une œuvre, je m'en vais dans Photoshop, je sélectionne les photos, puis là, je travaille numériquement, là, je compose les images. Ils n'ont pas un temps précis, là, ça dépend du montage. Mais ça me prend quand même un bon 2 semaines de faire un montage. Quand même. Oui, c'est quand même assez long. Puis c'est des lourds fichiers, donc... Et puis avec ça, faut créer, dans le fond, des actions qui sont cohérentes pour que l'espace, le territoire, dans le fond, qu'on crée, fasse sens, dans le fond, pour l'observateur. Oui. Et à l'intérieur de ça, on joue aussi dans certaines des pièces avec des jeux d'échelle. Je pense à une œuvre avec une branche qui te fait même paraître peut-être plus petite sur l'image, des jeux de perspective. Cette photo-là, j'ai pris la séance, ça s'est faite à l'extérieur. Donc, toutes les images, il y avait des branches d'arbres en avant-plan. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme une horizon aussi dans l'image. On sent plus qu'il y a comme... on est vraiment là comme en vol de... C'est ça, comme si on regardait au-dessus là, des personnages. Mais c'est une avenue que je veux plus explorer, ça, créer des horizons puis des espaces qui sont plus près du réel, en fait. Oui, dans le fond, parce que tu l'as fait seulement pour cette série-là, et pas pour les autres. Est-ce que c'est venu en cours de route? Tu te dis, ben ok, j'aimerais ça justement exploiter ça dans un autre contexte que celui peut-être plus contrôlé du studio. Oui. Ben là, c'est ça. J'avais fait la série que j'avais présentée à vue à l'automne était dans cette avenue-là aussi. Là, c'était des espaces réels, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment. Et tu parlais tout à l'heure aussi au niveau du choix des couleurs des dominantes, blanc, noir. Bon, tu disais ça faisait référence un peu à la vie, la mort. Pourrais-tu détailler un peu plus autour de ça? Il y a comme une... c'est un peu l'abandon de soi, puis un peu l'acceptation de la cause fatale. Donc, il y a un peu de ça là-dedans. Puis, c'est aussi un rapport à une espèce d'ancrage identitaire là, qu'on... Mais c'est un peu abstrait. C'est une métaphore. En fait, les images, comme ils parlent en métaphore de ça. Donc, il y en a une qui c'est avec la lumière. Donc, il y a comme une dualité entre le noir, entre l'enfermement, quelque chose de plus morbide, et puis un éblouissement de lumière qui émane de la photo. Donc, c'est ces deux confrontations-là qui se retrouvent dans la même photo. Mm-hmm. Puis pour chaque photo, il y a toute cette même dualité-là qui se retrouve. Et à la limite, Annie Baillargeon, est-ce qu'on peut parler presque de mosaïque pour décrire un peu la résultante de ça? Non, pas pour celle-là, je pense pas. Le mosaïque, c'est pas systématique. C'est plus comme... plus flou, disons, comme composition, mais... Donc, peut-être pas envisagé comme quelque chose de narratif, plus que comme quelque chose de senti comme un mouvement statique, mais pas nécessairement un mouvement qui est narratif, au bout du compte. Non, c'est ça. On n'est pas... Attends, je comprends pas très bien ta question, est-ce que tu peux me... Oui, mais en fait, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce d'idée de créer une sorte de mouvement statique, mais qui n'est pas nécessairement pour l'observateur une possibilité non plus de créer une narration d'emblée là, autour de ces mouvements-là qui sont arrêtés dans le temps, qui sont juxtaposés? OK, non. Il y a quand même une petite narration, mais non, c'est vraiment comme... une sensation comme de... Ouais, vraiment de l'ordre de sensation, je trouve. Qui est un peu entre la narration puis quelque chose d'ornemental. Là. Et évidemment, on l'a mentionné à plusieurs reprises, donc c'est dans la continuation de ce que tu nous as proposé à vue. Est-ce que c'est quelque chose autour duquel on s'attend à voir d'autres explorations, un parcours, une idée, une perspective que tu comptes continuer de creuser là, au fil des prochains mois? Peut-être pas au niveau des prochains mois, parce que là, je suis vraiment je m'occupe d'un petit bébé. Je suis un peu fatiguée, mais oui, dans les prochains plusieurs mois d'avenir, là, je vais quand même faire une nouvelle série, là, mais plus dans la lignée, là, comme je disais tout à l'heure, des horizons, des territoires, des environnements plus réels. J'aimerais ça peut-être faire une résidence à l'étranger là, pour m'inspirer du paysage. Donc, c'est peut-être là-dedans que je m'enligne. Alors, on peut découvrir donc les territoires perdus d'Annie Baillargeon. C'est à Regard jusqu'au 24 février. Annie, jusqu'au 3. Ça jusqu'au 3? Oui. Donc, jusqu'au 3 mars. On a un peu plus de temps pour découvrir ça. Annie Baillargeon, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, je le rappelle, donc, territoires perdus à Regard jusqu'au 3 mars. Et nous, on prend une courte pause à venir en deuxième partie. On va parler notamment de Materia Mater comme un murmure et également des plasticiens au Musée national des beaux-arts du Québec. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Attention, il ne vous reste que 3 jours pour réserver votre billet de la soirée du 40e à l'espace Hyperion, au 190 Saint-Joseph-Est. Faites-le en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur PayPal ou bien venez au 405 3e Avenue. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Makakoto, de la ministre responsable de la capitale nationale, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail et de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, au bureau de comté au 418-663-2213, du Centre local de développement de Québec, porte d'entrée des entrepreneurs d'ici, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la SEDEC, Société de développement des entreprises culturelles, et du député de Jean-Lesage, M. André Drolet. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut demander quoi de plus? Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Toujours à l'écoute de l'aérospatiale ici sur CKRL 89.1. Raymond Poirier au micro en remplacement de Julie Gagné, qu'on remercie d'ailleurs pour avoir fait la recherche de l'émission qu'on vous présente ce soir. À la mise en onde, Jacques Gignac. Et je vous rappelle que si vous aimez l'émission, si vous voulez nous suivre, ben c'est possible de le faire notamment sur le site de socialisation Facebook, facebook.com/l'aérospatiale. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir une de nos collaboratrices ici à l'émission, Catherine Boivin. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, Catherine, en fait, qui a été voir l'exposition « Mater comme un murmure » à Materia. Donc, qu'est-ce que c'était tout ça? Là? Voilà. Alors, Materia, vous savez, cette galerie spécialisée en métiers d'art. Et donc, on a souvent l'habitude d'avoir de la belle visite et des projets assez intéressants. Ici, donc, c'est une exposition solo de Marie-Andrée Côté, qui est une artiste en art visuel et dont la matière est la porcelaine. Donc, on a un heureux mariage ici entre les arts visuels. Sa formation est en art visuel. C'est une artiste, je dirais, quand même, qui est en pleine possession de ses moyens, là, qui a vraiment un parcours où elle est reconnue comme une artiste nationale, d'intérêt national, puis ses œuvres commencent à sortir du pays. Donc, on est en face de quelqu'un, là, de vraiment intéressant. Elle est originaire de deux montagnes, donc à l'ouest de Montréal, dans le nord. Elle s'est établie en plein cœur de la nature et ça paraît dans son discours et dans son art. Donc, il y a quelque chose qui rappelle, en fait, dans les choix de forme, dans les choix de... De propos. Forme, exactement. Alors là, présentement, l'exposition, c'est une exposition toute nouvelle 2013. Alors, on Mater comme un murmure, c'est un titre qui vient, en fait, faire écho à une œuvre qui est présentée en première. Donc, c'est la première fois. C'est un panneau mural de 16 pieds de long. Qui s'appelle « Rivière comme un murmure ». Et il faut dire, donc, son matériau, comme je disais, c'est la porcelaine. C'est la porcelaine qu'elle va façonner, mouler en petite forme abstraite, qu'elle assemble comme une mosaïque sur sur un mur. Un mur dont le fond, c'est du maçonnette noir, plusieurs panneaux noirs. Et c'est cette porcelaine qui est blanche, donc on n'a pas de glaçure, aucune intervention. Ça vient faire un contraste, le noir-blanc. Et elle s'inspire de photographies. Donc là, c'est des photographies de reflets de lumière sur les ondulations de l'eau. Et donc, c'est ce qu'elle essaie de capter. Parfois, on est ébloui par la nature. Moi, je sais que ça m'arrive avec les sculptures de vent dans la neige. Puis je me dis, comment je pourrais faire pour capturer le moment? Et puis moi, j'ai fait, ah! Elle a réussi, elle a trouvé une technique pour le faire. Donc, à l'aide de la photographie, on essaie de reprendre, en fait, dans le fond, tous les reflets qui seraient plutôt blancs sur un fond de rivière très noire. Et donc, chacune des petites pièces, mon doux, c'est peut-être 5 cm, ces petites pièces de forme organique, assez différentes les unes des autres, mais toutes assemblées, sans être collées, mais proches, nous illustrent, dans le fond, cette idée de reflet sur l'eau, alors en plus avec la dimension. Et donc, un travail de sculpture, une maîtrise, j'imagine, aussi du médium, quand même, la porcelaine, pour aller réussir à bien reproduire l'esprit de ces formes-là. Oui, tout à fait. C'est enfin là, c'est ça que ça devient intéressant. Ben, alors, ce panneau-là, il est quand même au fond de l'exposition. En plus de ce grand panneau, nous avons 19 pièces, dont la plupart sont proviennent d'expositions antérieures. Il y a des œuvres de 2005 à aujourd'hui. Et toute une série de ce que j'appellerais des... ils disent des rosaces. Ce sont comme... Moi, j'avais l'impression de cible, mais c'est pas tout à fait juste, parce que c'est pas nécessairement toujours un point central. Mais des œuvres qu'on dirait un tondeau dans le langage scientifique de l'art. Donc des et c'est des reliefs qui reprennent parfois la thématique de l'eau, des reflets de l'eau. Et il y a parfois aussi des interventions. On a des petites matières rouges qui, oups, viennent apparaître comme un invité non bienvenu là. Alors là, on a un petit discours écologique qui va poindre dans qui fait référence en fait au mercure là. Puis est-ce qu'il vient un peu des éléments de cyanobactéries ou des choses. Et donc, Catherine Boivin, par rapport thématique de cette exposition-là de Marie-André Côté, il y a une belle cohésion, dans le fond, entre les œuvres, entre manière, l'esprit de tout ça, dans le fond. Oui, ben tout à fait. Alors, c'est toujours une inspiration qui provient, comme je disais, de la nature. C'est très sculptural aussi, parce que malgré le fait que les œuvres soient au mur, comme je disais, en cercle, certaines des œuvres vont reprendre, par exemple, on a l'impression de pétales, et on aura des formes qui sont reproduites comme... c'est comme la même forme reproduite, mais assemblée comme de façon concentrique là, sur une cible. Et c'est assez, toujours en porcelaine blanche, et c'est assez matériel tout ça parce que c'est en relief, même parfois en très haut relief, parfois plus bas. Il y a des pièces aussi qu'on sent vraiment assez monumentales, des pièces qui sont en vitrine. Il y a une pièce en vitrine qui sont des séries de... C'est comme des grandes tiges qui partent du plafond et qui descendent, des tiges de métal avec des petits pétales, je dirais, d'assemblée aussi. Il y a l'effet d'herbe aussi. Ça fonctionne beaucoup par série et répétition. Un peu comme la nature, quoi, qui envahit. Tu sais, il y a comme une... belle allusion là au système de la nature. Effectivement, on peut pas simplement avoir une fois un élément, mais c'est à travers la répétition qu'on recrée aussi peut-être un sentiment d'enveloppement, de profondeur d'une pièce à l'autre, à l'intérieur de la même pièce, dans un dialogue aussi entre tout ça. Oui, mais vraiment, je dirais, il y a un côté tellement dans sa reproduction des formes de la nature, il y a un côté graphique vraiment esthétiquement intéressant aussi. Alors, on peut le voir comme une abstraction. Quand on peut faire abstraction de la thématique nature, un peu comme l'œuvre sur le carton que j'ai amenée, on est dans des contrastes, enfin, les fonds en bois, parfois blancs, parfois noirs, avec la porcelaine, mm-hmm. Le métal, enfin. Mais comme si on enlevait de la couleur, dans le fond, des mouvements de la nature, on se retrouvait simplement avec les mouvances, donc ça peut faire sens, comme ça peut être quelque chose, comme tu disais, Catherine, de parfaitement abstrait aussi. Tout à fait, c'est ça. Ça dépend du contexte. Oui, exactement. On peut le voir, comme je disais, d'un côté très graphique, puis bon, finalement aussi, il y a ce jeu, ce rapport des pièces à la nature aussi, puis donc il y a le côté métaphorique assez important entre ce lien entre la nature et son travail. J'ai l'impression que ça ajoute aussi, j'imagine, à la richesse du regard qu'on peut porter là-dessus. Donc un regard comme ça à deux niveaux, ça apporte donc, comme tu disais, des niveaux d'interprétation, mm-hmm. des niveaux d'observation, puis des niveaux de dialogue aussi, même à l'intérieur d'une même œuvre. Oh oui, absolument. C'est quasiment méditatif aussi, je dirais, le fait d'avoir ces cercles un peu qui sont comme des cibles sur lesquelles on a envie de méditer un peu, parce qu'il y en a certaines, même visuellement, l'effet est assez, je dirais, pas hypnotisant à ce point-là, mais on s'y perd, on rentre très, très bien en état un peu méditatif là ou de contemplation, certes, à l'intérieur de ces œuvres. Donc, j'étais très, très contente de découvrir cet artiste pour à plusieurs niveaux, hein, comme je disais, le côté graphique, esthétique, vraiment. La maîtrise aussi du moyen, c'est impeccable. Le dialogue entre les matières, on a quand même bois, métal, céramique aussi. Mais tout est assez ramassé. Hein, il y a des formes assez organiques. Ils se répètent, mais ils sont jamais identiques. Et en même temps, il y a un côté tellement graphique. Il y a comme un équilibre qu'elle a réussi à... Tu sais, vraiment, on sent qu'elle est en pleine possession de son travail et de ses moyens. En fait, effectivement, c'est pas pour rien que tu as commencé ton intervention en disant, ben, regardez, on a là une artiste d'expérience qui a, comme on dit en bon québécois, un bon bagout. Ben, ça ressort aussi quand on est en maîtrise de ses moyens, de sa démarche, de ce qu'on veut présenter. Ben, déjà, ça devient plus facile ensuite de passer à l'exécution de ça et de bien métisser les différentes techniques. Exactement. On sent vraiment là qu'elle a atteint justement là, un niveau d'équilibre au niveau de sa production, de son propos aussi. elle faisait référence, entre autres, à la question des cibles. Hein. Elle disait, c'est assez intéressant, où on peut voir cette cible, ce rapport, dans le fond, au cercle, en fait, qu'on fait comme regarder dans un microscope, puis on verrait un peu des entités microscopiques, là, justement, des amibes, le monde unicellulaire. Mais d'un autre côté, ça peut référer au macrocosme. Alors, il y a un jeu d'échelle aussi, comme ça. On fait plusieurs éléments d'exploration, plusieurs pistes d'exploration qu'on propose, parce que de ce que j'en retiens, tout ça, Catherine Boivin, c'est on y va, ça vaut la peine. Là, c'est... Exactement. Je pourrais peut-être ajouter que c'est jusqu'au 24 février. Donc, il reste 2 semaines pour aller contempler les œuvres de Marie-André Côté, donc céramiste et sculpteur chez Materia. Alors voilà, donc Mater comme un murmure. Catherine Boivin, nous on se dit à très bientôt. Oui, dans un mois. Dans un mois, merci beaucoup. Alors voilà, donc c'était Catherine Boivin, ses commentaires de ce mois-ci. Et nous maintenant on repart en pause audio, toujours sélection de Simon Roy, toujours tiré de l'album de The Spasmodics, Vermin Perm. On écoute Whimsical Man Boobs. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale ici sur CKRL 89.1 et maintenant vous entraîne vers le Musée national des beaux-arts du Québec qui présente actuellement jusqu'au 12 mai une exposition qui s'intitule « Les plasticiens et les années 1950-60 », une exposition qui évidemment s'intéresse donc à cette mouvance, celle des plasticiens. Et pour nous en parler, pour nous introduire, pour nous amener dans cet univers, eh bien, nous sommes en compagnie du co-commissaire de l'exposition, M. Michel Martin, bonjour. Oui, bonsoir. Alors, mais peut-être pour débuter, là, comme c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît les plasticiens, possible de nous présenter un peu, de nous les présenter, nous présenter un peu leurs préoccupations également? D'accord. Écoutez, je vais revenir un peu sur le concept même de l'exposition, qui est une exposition qu'on a fait en copartenariat avec la Varley Art Gallery de Markham, qui est une localité au nord de Toronto. Et le co-commissaire, c'est M. Roald Nasgaard, qui est un grand spécialiste de l'art contemporain canadien et qui s'est particulièrement intéressé à 4 artistes qui sont un peu au cœur de notre exposition, qui sont Guido Molinari, Claude Tousignan, Yves Gaucher et Charles Gagnon. Alors, le projet étant essentiellement centré sur des artistes québécois, le musée là, de Markham s'est dit, ça nous prend une collaboration avec un musée québécois, et ils ont frappé à notre porte, et bien sûr, on a accepté d'embarquer dans le projet. C'est très, très rare il n'y a pas eu véritablement jusqu'à maintenant une exposition consacrée essentiellement à cette mouvance, j'aime bien le terme que vous avez utilisé, cette mouvance plasticienne à Montréal, il faut bien spécifier. C'est pas une rétrospective, mais c'est peut-être la première fois qu'on a un regard assez élargi sur justement ce courant de peinture plasticienne des années 50-60. C'est un courant important. Vous savez, tout le monde connaît maintenant, je pense de plus en plus, en raison peut-être surtout du personnage de Riopelle ou Bordeaux et tout ça, on connaît un peu plus ce qu'était le mouvement automatiste, qui était la première le premier mouvement révolutionnaire, si on peut dire, de la peinture contemporaine québécoise. Oui, les plasticiens qui sont un peu dans l'ombre des automatistes à un certain degré. Là. Exactement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, donc il y a eu ces artistes automatistes-là à la fin des années 40, avec le lancement de leur manifeste Refus Global. Et donc, au début des années 50, il y a un groupe de jeunes artistes qui se sont reconnus une certaine un air de famille, si on veut, dans leurs préoccupations et leur travail, et qui ont décidé d'aborder, de faire une espèce de césure, d'une coupure avec la pratique automatiste, qui est une, on pense à tous ces paysages oniriques, ces visions un peu de du subconscient, donc beaucoup rattaché aussi au mouvement surréaliste. Et eux étaient davantage intéressés par le contenu essentiel de la peinture, à savoir l'effet plastique. Et c'est eux aussi vont publier un manifeste. En 1955, ils font une exposition, ils publient un manifeste, et là, mettent sur papier leur grande préoccupation, qui est de faire une peinture qui parle de la peinture, essentiellement. Donc, et j'ai l'impression, à ce moment-là, M. Martin, que on est vraiment au Québec, en fait, en lien avec ce qui se fait à l'international. C'est une préoccupation ici, mais c'est une préoccupation partout, et peut-être un peu même de manière simultanée. Là, on n'est pas en retard sur cette mouvance-là. Non, on n'est pas en retard. C'est sûr que, bon, ces jeunes artistes-là sont plus dans une filiation européenne dans leur cas. On pense à la peinture abstraite française. Donc, il y a des mouvements en France dans les années 40 qui s'appelaient Abstraction-Création, le Salon des Réalités Nouvelles. Donc, ils ont un peu les mêmes préoccupations, le même vocabulaire, qui vont là aussi, à la fin des années 40, lancer un manifeste. Et d'ailleurs, on reconnaît une certaine similitude dans le vocabulaire utilisé dans le manifeste de nos peintres montréalais à l'époque. Il faut savoir que le chef au c'est pas vraiment le chef, mais celui qui vraiment les a inspirés davantage, c'est Rodolphe de Repentigny, qui, en peinture, prenait le nom de Joran, et de Repentigny arrive, revient à Montréal, parce qu'il était montréalais, bien sûr, au départ, mais il quitte à la fin des années 40 pour des études en Europe, et il revient à Montréal en 52, et donc revient aussi un peu avec tout ce bagage de connaissances-là, de ce qui se passe là-bas, et il en discute avec ses nouveaux associés, si on veut, et comme je vous dis, régulièrement, au cours d'une année, l'année 54 surtout, ils font des rencontres presque hebdomadaires, discutent de peinture et mettent sur papier le contenu de leur manifeste. Alors, on verra par la suite avec les seconds plasticiens, donc le deuxième groupe. Oui, qui était moins un mouvement formel que le premier, d'ailleurs, par rapport à ça. C'est ça. Alors, quand on parle des plasticiens, normalement, on parle des plasticiens, c'est le premier groupe. Donc, ces quatre jeunes artistes-là, ça dure très peu de temps. Hein? Mm-hmm. C'est l'espace de 2-3 ans. Tout ça, là, dans les années 50, cette peinture-là évolue très, très, très, très rapidement. Et parce que il y a d'autres idées qui vont se développer presque en parallèle, si on veut. Alors, on parle donc, dans leur cas, de 1955, avec cette exposition et ce manifeste. Donc, peinture géométrique, langage purement plastique, la forme, la texture, les harmonies de couleurs... Alors, c'est l'essentiel même du propos de ces jeunes peintres-là. Et tout de suite, presque, donc l'année suivante, 56, il y a deux jeunes peintres qui exposent dans une nouvelle galerie qui est dirigée par l'un d'eux, qu'en fait, c'est sa galerie, c'est la galerie de Guido Molinari qui s'appelait L'Actuel. Galerie d'art non figuratif, ça c'est important. On ne disait pas art abstrait, on disait art non figuratif. Et parce que le mot abstrait à ce moment-là avait une certaine connotation. C'était associé au mouvement, on voulait s'en. Ouais, puis on parlait aussi, ça faisait plus référence à une connotation plus décorative de la figure géométrique. En tout cas, en France, ça avait dévié vers cette dimension-là davantage. Alors ici, on voulait se garder de cette perception-là. Donc, on utilisait toujours le mot art non figuratif, qui était plus englobant les différentes pratiques d'art abstrait. Donc, ces deux jeunes peintres-là exposent successivement leurs travaux récents à la galerie actuelle. Molinari présente des tableaux noirs et blancs. Alors, une épuration qui va beaucoup plus loin que ce qui avait été amorcé par le premier groupe. Oui, ben à la limite, en fait, j'ai l'impression que peu à peu, on s'intéresse de plus en plus aux dynamiques de la couleur. Exactement. Alors là, on arrive maintenant où on veut pousser plus loin. Parce que tout ce que, l'intention derrière tout ça, c'est toujours de prendre un certain recul et d'éviter toute référence au monde extérieur. Donc, vraiment rester concentré sur cette pratique de la peinture, sur le fait plastique. Et eux, les deux nouveaux, Molinari et Tousignan vont davantage travailler aussi sur la question de la surface plane du tableau, de revoir un peu nos concepts du rapport fond-forme, par exemple. Mm-hmm. Alors, les tableaux noirs et blancs de Molinari, il faut le voir comment est-ce que quand on est placé devant, avec ses formes nettement découpées, hein, qui se trouvent un peu en opposition, où là, finalement, on arrive à percevoir difficilement qu'est-ce qui est le fond, qu'est-ce qui est la forme, ou qu'est-ce qui est le devant, l'impression de profondeur du tableau, bien qu'on essaie de l'annihiler le plus possible. Ou même carrément, même de mettre de côté la notion, justement, du tableau carré, de la forme, et d'exploiter des tableaux de forme asymétrique. Exactement. Il y a eu déjà, même dans le premier groupe, mm-hmm. on a commencé à travailler ça, ce qu'on appelait des shape canvas, là, en français, bien sûr, ou des tableaux découpés, des formes profilées découpées, où finalement le discours à l'intérieur, ou le dessin, ou les formes apportées tiennent compte, bien sûr, du dynamisme de la forme contour. Et même là-dedans aussi, est-ce qu'on pourrait rajouter aussi l'utilisation de nouvelles techniques, de nouveaux médiums, ouais. l'émail de voiture, de la peinture exact. Acrylique, usage du ruban, etc. Tout Donc, on s'amuse à jouer un peu avec les frontières de ce qui était fait avant et avec ce quoi c'était fait avant aussi. Tout à fait. Alors, avec ces deux artistes-là, Molinari et Tousignan, bien sûr, on a parlé de la filiation européenne. On est davantage maintenant dans une filiation nord-américaine. Donc la peinture qui se fait un peu à New York et tout ça, même s'ils en ont une connaissance qui est pas tout à fait complète, là, ils en ont une connaissance à travers les revues essentiellement. Mm-hmm. Ils commencent à aller à New York au tournant des années 50, mais en tout cas dans le cas de Molinari, Tousignan, ça sera un peu plus tard. Et là, ils arrivent, pour eux, ils travaillent donc ces nouvelles techniques, ils travaillent avec la peinture émail automobile, et bien sûr, avec la peinture émail automobile, quand on le sait, quand on va repeindre notre voiture, par exemple, on travaille aussi avec ce qu'on appelle le masking tape ou le ruban en cache, pour arriver à faire des lignes les plus droites possibles, donc pour pas qu'il y ait d'interférence d'une couleur sur une autre, par exactement, exemple. Exactement, des hard edges qui sont extrêmement affirmés. Exactement. Alors, c'est peut-être là-dedans, entre les deux expositions, de 56, c'est peut-être Claude Tousignan qui va le plus loin dans ce sens-là. De Repentigny, qui était un peu le maître à penser donc, du premier groupe, de Molinari, va dire, et puis ça va rester, puis je pense que c'est une attitude que le visiteur de l'exposition devrait prendre, c'est de faire taire nos préconceptions, de faire taire nos prérequis, nos préacquis, si on veut, par rapport à la peinture, et d'être le plus ouvert possible, parce qu'on est rendu ailleurs, on est rendu vraiment ailleurs. Exactement, vous le décrivez bien, en fait, quand vous dites, regardez, c'est pas de l'abstraction, c'est pas fait non plus pour avoir un côté design, c'est de l'exploration, dans le fond, des couleurs, des manières dont on peut créer la couleur. C'est exactement, c'est une exploration, et j'aime bien ce terme-là, parce que Tousignan me disait, lui expose 7 tableaux, il me dit, écoute, faut penser, ces artistes-là, quand ils ont fait l'exposition, ont 22, 23 ans, c'est vraiment des tout jeunes peintres. Donc, l'exposition, en tout cas, dans le cas de Tousignan, parce que j'en ai discuté avec lui encore récemment, qui me dit c'était vraiment de l'exploration qu'on faisait. On essayait des choses et on est allé au bout de ce qu'on pensait. Mais en même temps, c'était plus ou moins assumé, si on veut. Hein? Ils ont été un peu déconcertés par les résultats que ça a apporté. L'œuvre de Tousignan a été très, très, très mal reçue. Ce travail-là a été très mal reçu. La part de la critique, essentiellement, et entre autres, l'œuvre de Repentigny a été très dure. Alors, lui, qui était peut-être le critique le plus ouvert de l'époque, où il parle de négation de la forme, ce sont des panneaux, qu'est-ce que c'est que cette peinture, on va aller même jusqu'à parler de vulgarité, parce que c'est des oppositions de couleurs très fortes. Là, ici, lui, il se gêne pas, il utilise vraiment des couleurs, des contrastes très marqués. Alors, la réaction va faire que finalement, ces deux artistes-là vont bon, ils vont les taire, leurs tableaux, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont les décrocher, ils vont les enlever des cadres, les rouler, les serrer, les entreposer, et ça doit, ils vont être un peu traumatisés, en tout cas, Toussignan va être assez perturbé par la réaction. Donc, ils vont, suite à ça, refaire leur cheminement pour arriver à bien asseoir leur proposition et la reprendre quelques années plus tard. Mais ils vont reprendre la démarche au complet. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça, on peut le voir. Moi, je tenais que dans l'exposition, avant même qu'on célèbre ces quatre artistes-là, parce qu'il y en a deux autres qui vont joindre là, aux deux premiers dont on vient de parler, que les gens comprennent l'historique du développement de cette mouvance-là et comment est-ce que ça a eu des résonances dans les années 60. Et c'est justement pour ça aussi que l'exposition qu'on présente au Musée national des Beaux-Arts, vous avez choisi de la présenter de manière chronologique essentiellement. Exactement. Donc, pour qu'on sente cette évolution-là. Exactement. Dans la pensée, dans les moyens, dans la réception aussi, évidemment. Oui. Parce que c'est pas des œuvres qu'on voit souvent, hein. C'est très rare qu'on les voit, malheureusement. Je pense qu'on espère, entre autres ici à Québec, c'est avec le projet d'agrandissement qu'on pourra faire des démonstrations historiques plus facilement, ce qui fait que finalement on puisse les visiteurs puissent vraiment s'approprier cette peinture-là et arriver à la placer dans son cadre historique de développement. Alors, il y a une autre exposition, on va rapidement parce que je vais le faire, mais suite donc à ces expériences-là, il y aura une autre exposition très importante et on la commémore aussi dans l'expo. C'est l'exposition Art abstrait présentée à l'École des Beaux-Arts de Montréal en 1959. Et là, ben, on retrouvait donc bien sûr nos amis Toussignan et Molinari avec deux autres peintres qui venaient d'arriver et se joindre à eux, qui faisaient partie de ce groupe des seconds plasticiens. Donc, il y a les œuvres de Denis Junot, Jean Gauguin et bien sûr toujours... Ah, il y a un qu'il ne faut pas oublier, c'est Fernand Leduc. Fernand Leduc qui est, de toutes ces années-là, qui est toujours présent, qui est un leader aussi, ancien automatiste, mais qui s'est tranquillement, au début des années 50, tourné vers l'abstraction géométrique et qui va en faire vraiment son travail là, jusqu'à la fin des années 50 avant qu'il retourne en Europe en 60. Et donc, lui se retrouve à l'exposition Art abstrait avec deux des premiers plasticiens qui sont Belzile et Toupin. Mais là, c'est intéressant parce que c'est l'affirmation du mot abstrait. Le mot abstrait revient. Et là, on dit que l'art abstrait, maintenant, on doit en parler. C'est cette nouvelle façon de travailler et que cela, c'est l'art de demain. Et c'est ce que cette exposition voulait démontrer. Et au travers de tout ça, en terminant, est-ce que on pourrait dire à la limite que donc les plasticiens et les gens qui ont suivi un peu cette mouvance-là étaient préoccupés essentiellement par des questions de plan, par des questions d'espace, par des questions de couleur? Exactement. Alors vous allez le voir, ça, on arrive donc, quand vous allez entrer dans la seconde salle, et là, on arrive devant des grands formats, on parle de ces quatre artistes que j'ai mentionnés au départ, donc Molinari, Toussignan, Yves Gaucher, et Charles Gagnon qui vont se joindre à eux. Dans l'exposition, on les appelle les post-plasticiens. Donc, on est rendu au-delà de cette mouvance plasticienne-là et comment est-ce qu'elle a des résonances et comment est-ce qu'elle s'est affirmée. Chez Molinari, Toussignan, on le sait, pour ceux qui connaissent un peu la peinture, c'est Molinari, c'est des bandes verticales. Toussignan, c'est des tableaux circulaires, des cercles concentriques de couleurs, et on joue sous des effets de rythme, de vibrations chromatiques, et là, on doit vraiment, on demande aux spectateurs de prendre le temps d'explorer ces espaces-là parce qu'ils sont partie prenante de l'expérience du tableau. Alors, on invite les gens à faire ça et à aller découvrir donc une page de l'histoire de l'art québécoise. Alors, l'exposition, je le rappelle, s'appelle « Les plasticiens et les années 50-60 ». C'est présenté jusqu'au 12 mai au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Michel Martin, co-commissaire, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et nous, ben, on part en dernière petite pause audio, suggestion de Simon Roy. On écoute la pièce « Jobard ». Thank you. Alors, un dernier bref extrait cette fois-ci de l'album Vermin Perm de The Spasmodics, la suggestion de Simon Roy pour cette semaine. Vous pouvez la trouver en téléchargement donc sur l'aérospatiale.wordpress.com. Rapidement à l'agenda pour ce soir, notamment des vernissages 15 février, vernissage à l'œil de poisson. Vous avez également donc la performance à Engrammes de Diane Landry dans le cadre du mois multi, la performance Brise-glace qui sera présentée les 14, 15 et 16 février à 19h30. Également, autre vernissage, cette fois-ci à l'établi, donc l'exposition de Maxime Gagné et Alexandra Quinn, Les petites désillusions. Donc, c'est le 15 février dès 17h. Et évidemment, donc, des expositions qui se poursuivent un peu partout. Musée des Beaux-Arts, Materia, Regard, La Chambre Blanche, le 36, L'œil de poisson également. Et aussi, évidemment, les installations là, de ce mois multi 14, dont on vous reparlera d'ailleurs la semaine prochaine, puisque Jean-Pierre Gay sera avec nous pour porter un regard justement sur ces installations. Alors, ce sera ça, entre autres choses, la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci à Jacques Gignac à la mise en onde. Merci à Julie Gagné à la recherche. C'était Raymond Poirier qui était avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.